19-22, activation orale, le passé composé. Répondez selon l'exemple. Vous entendez? Oh, tu sais le latin? Et vous dites? Non, mais j'ai suivi un cours de latin. Allons-y. 2. Tu sais le français? Non, mais j'ai suivi un cours de français. 3. Il sait l'allemand? Non, mais il a suivi un cours d'allemand. 4. Vous savez le latin, vous deux? Non, mais nous avons suivi un cours de latin. 5. Vos parents savent le japonais? Non, mais ils ont suivi un cours de japonais.